بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين. Donc ici Allah Jalla wa'ala l'a mentionné selon le sens des versets, et certes Allah n'a pas honte de donner des exemples comme le moustique et ce qu'il y a au-dessus comme exemple. Quant à ceux qui croient, ils savent que c'est la vérité venant de leur Seigneur. Quant à ceux qui mécroient, ils disent: qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla a voulu par cela, par cet exemple? Et il égare par cela beaucoup, et il guide par cela beaucoup, et il égare, et certes il n'égare que les pervers. يقول الله جل وعلا إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما طيب بعودة Donc ici Allah Jalla wa'ala parlait du moustique. Et la cause de cela, c'est que le mushrikoun, ils sont en train de parler en disant: كيف يضرب الله جل وعلا المثل بذباب في قول الله جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Lorsqu'Allah Azzawajal a révélé: ô vous les gens, il vous est donné des exemples, écoutez attentivement. Quant à ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ils ne pourront jamais créer ne serait-ce qu'une mouche, même s'ils se réunissent tous ensemble pour la créer. Az-Zubab, une mouche. Lorsque le mushrikoun, ils ont entendu ça, ils ont dit: pourquoi est-ce qu'Allah Jalla wa'ala, il ramène cet exemple de la mouche? Et donc ici Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a ramené l'autre exemple qui est qu'Allah Azza wa Jalla a mentionné. Allah Azza wa Jalla n'a pas honte d'établir la vérité. Inna Allah la yastahi min al-haq, même si il faut parler du moustique, il parlera du moustique, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tayyib. Fama fawqaha, et de ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire dans des exemples plus grands que cela. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق الحق من ربهم ويؤمنون به ويرون أن فيه آيات بينات. Donc ici les croyants, eux, savent ce qu'Allah Jalla wa'ala a voulu dire par ces exemples-là. Ils savent que c'est une vérité venant d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et ils y croient, et ils voient dans ces exemples des signes et des preuves bien définies par Allah Tabaraka wa Ta'ala. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Quant à ceux qui ont mécru et qui disent: qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu par cela? Cela, ils ne voient pas ici ils ne voient pas ce qu'Allah Jalla wa Ala, ils ne comprennent pas ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a voulu. Pourquoi? Parce que leurs cœurs sont malades, voire morts. طيب يدل به كثيرا. Allah Azza wa Jal égare par cela beaucoup. يعني كثيرا من الناس, c'est-à-dire beaucoup parmi les gens. ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين. Il n'égare, il guide beaucoup aussi, mais il n'égare que الفاسقون, c'est-à-dire هنا المراد هنا الخروج المطلق الذي هو الكفر. C'est-à-dire ceux qui sont sortis clairement et nettement et absolument de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils sont dans le kufr, c'est-à-dire dans la mécréance. Wal fusq qad yuradu bihi al kufr wa qad yuradu bihi madunahu. Al fusq, quand le terme al fusq, al fasiq ou al fasiqun est utilisé, quelquefois il veut dire al kufr, yani al kufar. Quelquefois, il veut dire en dessous de le kufr, c'est-à-dire ce qui ne fait pas sortir de l'islam. Quelquefois, ça peut désigner aussi bien le fosq, il peut désigner le kufr en vérité, bil alif wal lam, la grande mécréance. Quelquefois, il peut désigner en dessous de le kufr. comme les grands péchés. Min al-fawa'id ithbatu al-haya' lillahi jalla wa ala. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan. Allah Azza wa Jalla n'a pas honte d'établir la vérité. Cette parole-là, on l'a dit quand on va parler de certains sujets, hein, que les gens pensent qu'on ne peut pas parler de ces sujets. Comme par exemple, si quelqu'un il viendrait te poser une question sur ses relations conjugales avec son épouse, ses relations charnelles, dans ce cas-là, lorsque tu réponds, tu as le droit de dire « Inna Allah la yastahi min al-haq » Allah n'a pas honte d'établir la vérité, hein, n'a pas de pudeur à établir cette vérité. Hein. Pourquoi ? Parce que on est quelquefois on est obligé d'en parler. Seulement tu dis cette parole avant. Par contre, le fait de dire il n'y a pas de pudeur en religion, ça c'est faux. Hein. Pourquoi sauf certains frères qui disent parle, vas-y, il n'y a pas de pudeur en religion. Ça c'est faux. La pudeur elle fait partie de la religion. Il l'a mentionné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La pudeur elle fait partie de la religion. Par contre, ce que tu dis c'est ce verset-là. Inna Allah la yastahi min al-haq. Pas ce verset-là, mais dans un autre verset. Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah n'a pas honte, n'a pas de pudeur à établir cette vérité. Taïb. Donc fait partie des attributs d'Allah Jalla wa Ala, la pudeur. Ici, Allah Azza wa Jalla a mentionné ici, Inna Allah la yastahi, que si Allah Jalla wa Ala, il mentionne ici qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala n'a pas honte ici, ou n'a pas la pudeur ici, ça voudrait dire qu'il l'a en d'autres circonstances. C'est ce qui est prouvé ici dans le Coran. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده ici Allah جل وعلا a mentionné qu'Allah عز وجل هو يستحي Allah a honte de rendre les mains vides à son serviteur quand il lève les mains, quand il fait le dua. Il a honte de lui rendre les mains vides. Seulement cette sifat là n'est pas la même que nous chez nous ça marque un manquement, alors que chez Allah جل وعلا ça marque une perfection. Et ce n'est pas la même chose que nous. Et rien ne ressemble à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Elle marque cet attribut chez l'homme, une faiblesse et un manquement. Alors que chez Allah, Jalla wa Ala, c'est une perfection. Deuxième faïda, c'est qu'Allah Jalla wa Ala montre des exemples. Il montre des exemples. Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un grand bienfait pour nous afin que l'on puisse comprendre. Ici, on a l'exemple que ma ba'udatan fa ma fawqaha. Si Allah Jalla wa Ala a mentionné qu'Allah n'a pas honte d'établir cet exemple-là, ne serait-ce que le moustique, est-ce qu'il y a au-dessus, ça veut dire que le plus bas, c'est le moustique. Hein, et qu'il est la bête la plus méprisable. Tayyib. Dalil ala rahmatillahi jalla wa ala. On a ici aussi la preuve de la miséricorde d'Allah. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, c'est une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne des exemples afin que l'on puisse réfléchir sur sa parole. وفي الدليل على فضيلة الإيمان فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ce qui montre les bienfaits de la foi c'est que ceux qui croient فيعلمون ils savent أنه الحق من ربهم ils savent que c'est une vérité venant de leur Seigneur donc ce qui leur permet de faire cette distinction et de comprendre ce qu'Allah جل وعلا a voulu leur donner c'est l'Iman من ربهم أن ربوبية الله جل وعلا قسمان عما وخص ربوبية الله جل وعلا la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala les deux de deux sortes puisqu'Allah Azza wa Jalla a dit min rabbihim de leur seigneur ceux qui comprennent ceux qui croient ils comprennent ana wal haqq min rabbihim ils comprennent que c'est la vérité venant de leur seigneur wa qala Allah jalla wa ala qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun ici dans le premier verset qalu amanna bi rabbil alamin Nous croyons au Seigneur des mondes. Ici, Ar-Rububiyyatu 'Amma, c'est la seigneurie générale. 'Amma wal khassa, fiqulillahi jalla wa ala, Rabbi Moussa wa Haroun. Le Seigneur de Moussa et de Haroun. Ya al-khassa. طيب وإذا قال الله جل وعلا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم الربوبية الخاصة يعني على المؤمنين وكذلك للعبودية الربوبية والعبودية العبودية العامة والخاصة يقول الله جل وعلا في العامة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Tout ce qui est dans les cieux et la terre, quoi qu'il arrive, il est un esclave du miséricordieux. Abdan, al-ubudiyya, al-ubudiyatu al-amma. Ça, c'est al-ubudiyya, c'est-à-dire, Allah Azzawajal, il a montré que tout ce qui est en dehors d'Allah, qu'il soit dans les cieux ou sur la terre, il est un esclave d'Allah. Donc, ça, c'est celle qui est générale. Wal-khassa, comme nous l'avons dit, tabarak alladhi nazzala al-furqana ala abdihi. Hadhi al-khassa. من الفوائد سكو الكافرون الله جل وعلا leur a montré que ils n'ont pas الفقه في الدين الدليل أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يعني لا يفقهون في دين الله جل وعلا ne comprennent pas la religion d'Allah سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى leur a pas donné cette faculté donc ça rejoint un hadith du Nabi صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين والعكس بالعكس celui qu'Allah lui veut du bien يفقه في الدين il lui fait comprendre et pratiquer cette religion il lui fait comprendre et pratiquer cette religion avec le classe il lui fait يفقه في الدين il lui fait comprendre cette religion Et ici, c'est une objection que le kuffar, ils ont. C'est comme une objection. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَدَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu par cela? C'est comme une objection pour eux. Ils sont contre ça. طيب. C'est pour ça que Cheikh ramène toute personne qui a une objection من الشريعة يعني على جزء من الشريعة ففيه هو تشحب بالكفار. Toute personne qui a une objection sur une chose de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il rentre dans cette ressemblance ici. Il ressemble à eux dans cette question-là, dans cette situation-là. Comme par exemple, il prend l'exemple ici, c'est comme, فَمَثَلَنَّهُ قَالَ قَائِلُونَ Si quelqu'un dit, on annule les ablutions en mangeant la viande du chameau, et on n'annule pas les ablutions si on mange la viande de porc, quand on a le droit de la manger par nécessité. Alors que le khinzir wa khabith wa najis. Alors que le porc il est impur, il est sale. Tayyib. Nous lui répondons anna hadha i'tiradun ala hukm Allah jalla wa ala wa huwa dalilun ala naqs al-iman. لأن لازم الإيمان التام التسليم التام لحكم الله جلا وعلا. Nous lui répondons que cette objection sur les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est comme si tu avais une objection contre les règles d'Allah, sur les règles d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est bien là la preuve de la faiblesse de la foi, parce que ce qui t'est demandé c'est de croire d'une manière parfaite et de te soumettre aux règles d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans chercher à comprendre. Sami'ana wa ata'ana, nous avons entendu, nous avons obéi. Quant au fait maintenant de savoir al-hikmah, fahadha la ba's bihi. Maintenant si toi tu poses la question pour savoir la hikmah, la sagesse de ça, pour te remonter la foi encore plus, ça, la basse, ça, il n'y a pas de mal à ça. Maintenant, il t'est pas demandé de savoir la hikmah de toute chose, la sagesse de toute chose. ومن الفوائد أن اللفظ الكثير لا يدل على الأكثر. Le fait de dire كثيرا, ça prouve pas que c'est, ça veut dire la majorité. يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Puisqu'Allah Azza wa Jalla a dit, par ces exemples-là, qu'Allah Azza wa Jalla donne, ces exhortations, il en guide beaucoup comme il en égare beaucoup comme il en guide beaucoup. كثيرا وكثيرا. Dans les deux, on a كثيرا. وما قال أكثر. Quand on dit أكثر, il n'y a pas de doute que c'est plus. وكثيرا, ça ne veut pas dire le plus. Ça ne veut pas dire la majorité. Ça veut dire tout simplement beaucoup. ويدل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ومن الفوائد ici Allah جل وعلا égare ces gens-là parce qu'ils ont voulu s'égarer. وما يدل به إلا الفاسقين في سبب ما هو سبب الفسق سبب الضلال في هذه الآية الفسق وما يدل به إلا من الفاسقين il n'égare que les pervers les grands désobéisseurs. Ça prouve bien qu'ils ne sont égarés parce qu'ils ont commis comme cause, ils ont fait une cause qui les a égarés, c'est quoi ? Al-fusq, la perversion et la désobéissance. Parce qu'ils ont fait ça, alors ils ont ça. هذا الرد على القدرية الذين يقالوا إن العبد مستقل بعمله. Et ça c'est bien une preuve. وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ que c'est une correction sur le Qadariya qui disent qu'ils pensent que la personne elle est indépendante de ses actions. C'est pas de sa faute s'il a été égaré. Pourquoi? Parce que il subit le Qadar. C'est ça qu'ils disent. Alors que non, s'il a été égaré, c'est justement parce qu'il a fait ces actions-là. Et c'est ça qui lui a valu le fait d'être égaré. وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ Il n'égare que les pervers, les désobéissants. Parce qu'ils ont fait cette perversion, cette désobéissance, c'est la cause qui a fait qu'ils ont eu comme conclusion le fait d'être égarés. يَقُلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى الَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِثَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَالَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Et ceux qui ont annulé le pacte qu'ils avaient avec Allah Jalla wa'ala, après avoir passé ce pacte, ils l'ont annulé et qui ont rompu ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a ordonné et qui ont commis donc le désordre sur terre à cause de cela, par cela, ceux-là sont dans la perdition. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وهو الإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام. C'est quoi ce pacte? C'est cette croix, de croire en Allah et en tous les prophètes et les messagers. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. C'est-à-dire, ils ont coupé ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a ordonné. Ils ont rompu, comme par exemple les liens de parenté ou le fait de donner la victoire aux messagers. Ou de donner la victoire à la vérité, ou bien de défendre la vérité. Ça, ils l'ont rompu. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ كَالْمَعَاصِ وَقَتَلَ النَّفْسِ إِلَى غَيْرِ Comme les péchés, ou le meurtre, ou autre chose de ce genre. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ Tout ça, ça fait partie du fasad فِي الْأَرْضِ Ça fait partie de la corruption sur terre. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Ceux-là, ils sont dans... يعني ils sont perdus. من الفوائد parmi les choses qui viennent annuler le pacte que tu as passé avec Allah جل وعلا, le pacte qui te relie toi et Allah تبارك وتعالى, c'est الفسق. والذين ينقضون عهد الله من بعده ميثاقه. Ils ont rompu leur pacte, ceux-là. والذين ils ont rompu leur pacte par quoi? Par la perversion. ومن الفوائد التحذير. Il y a un avertissement à celui qui rompt, qui coupe, qui rompt ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné, comme les liens de parenté par exemple. إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا من كبائر الذنوب وهذا الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم قال لا يدخل الجنة قاطعون Il ne rentre pas au paradis celui qui a rompu, qui a coupé quoi? Al-arham, les liens de parenté. Celui qui coupe les liens de parenté, il ne rentre pas au paradis. Ou Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, parce qu'un sahabi lui a dit, mais c'est eux qui les ont coupés. Il a dit, justement, c'est ça de garder les liens de parenté. C'est de garder les liens de parenté quand eux les coupent. Et bien toi, tu les gardes. C'est ça, ça veut dire de garder les liens de parenté. Puisque quand tout va bien, c'est facile de garder les liens de parenté. Mais c'est quand eux, ils coupent les liens de parenté, que là, il faut garder les liens de parenté. ومن الفوائد أن المعاصي والفسوق سبب للفساد في الأرض. Les péchés et la perversion sont une cause du désordre sur terre. طيب ومن الفوائد هذا هو وقال الله جل وعلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Comment mécroyez-vous en Allah alors que vous étiez mort, puis il vous a donné la vie, puis il vous a redonné la mort, puis il vous redonne la mort, puis il vous redonne la vie, puis c'est à lui que vous retournez. كيف تكفرون بالله والاستفهام هنا للإنكار. Ici, ce n'est pas un étonnement d'Allah Jalla wa'ala lorsqu'il dit كيف تكفرون بالله. Non, c'est-à-dire comment vous mécroyez en Allah. En vérité, c'est une remontrance. طيب تكفرون بالله وكنتم امواتا, c'est-à-dire vous étiez mort, vous étiez mort avant que l'on insuffle l'âme dans votre corps. فاحياكم, puis on vous a donné la vie, c'est-à-dire en mettant l'âme dans votre corps. ثم يميتكم ثانية, donc deuxièmement on vous a redonné, on vous redonne la mort en faisant sortir l'âme du corps. ثم يحييكم الحياة الآخرة التي لا موت بعدها, et cette dernière, puis on vous a redonné la vie, c'est-à-dire la dernière vie, celle de l'au-delà, après laquelle il n'y a plus de mort. طيب, ça veut dire que l'âme, elle rentre une fois dans le corps, on la ressort du corps, hein, et on la remet dans le corps, mais cette fois-ci, elle ne sort plus, puisqu'elle est là pour l'éternité, ou bien au paradis, ou bien en enfer. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Hein, une fois qu'on vous donne cette deuxième vie, alors cette fois-ci, vous retournez à Allah, tabaraka wa ta'ala, et là, vous venez avec vos bonnes actions, ou vos mauvaises, et vous êtes rétribué. مِنَ الْفَوَائِدِ إذا قال الله جل وعلا وكنتم أمواتا فأحياكم وكنتم أمواتا, vous étiez mort فأحياكم, et on vous a donné la vie. طيب, ce n'est pas une condition pour dire de quelqu'un qu'il est mort, hein? Certains disent pour dire que quelqu'un il est mort, c'est forcément qu'il a eu une vie avant, qu'il a eu l'âme avant qui était dans le corps. La preuve ici, c'est que non, puisqu'Allah Azza wa Jalla a dit « وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ » Vous étiez mort et on vous a donné la vie. C'est-à-dire au début, vous étiez mort parce que vous n'aviez pas d'âme. Ensuite, on a mis l'âme dans votre corps, c'est là que vous êtes vivant. C'est bien la preuve que pour dire de quelqu'un qu'il est mort, hein, donc, si on parle avec la langue, dans la langue arabe, le fait de dire « الموت » ou bien « الموت » ou « الميت » ça ne veut pas dire qu'il a été forcément devancé d'une vie. La preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'on a été créé, qu'on a été mis dans le ventre de nos mères, et là, à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla nous a considérés comme quoi ? Mayyit, comme mort, puisqu'il a dit « Wa kuntum amwatan ». Mais est-ce que « roh » on l'a déjà reçu à ce moment-là ? On ne l'a pas reçu. Donc c'est bien la preuve qu'on a le droit d'utiliser le terme « mort », même pour quelqu'un qui n'a jamais reçu l'âme. « Wa kuntum amwatan, thumma ahyakum, fa ahyakum » Puis on vous a donné la vie. Et c'est un autre dalil que l'on a dans le Coran, c'est qu'Allah Jalla wa'ala, lorsqu'il a parlé fil asnam, ala al-asnam, sur les statues, qu'est-ce qu'il a dit sur elles? Amwatun ghayru ahya. Ces statues, elles sont mortes. Est-ce qu'une statue, elle a une âme? Non. Une statue, elle n'a pas d'âme. C'est une pierre ou un arbre, ce que tu veux. Elle n'a pas d'âme. Et pourtant, Allah, Jalla wa Ala, il les a mentionnés quoi? Comme étant morts. Amwatun ghayru ahya. Ils sont morts, dénués de vie. Donc c'est bien la preuve que pour désigner quelque chose de mort, c'est pas forcément qu'il a eu une âme avant. Hein? Il peut être mort sans avoir eu d'âme avant. Comme ici Allah Jalla wa Ala l'a mentionné dans le Coran. طيب ومن الفوائد le petit enfant qui est mort dans le ventre de sa mère avant que l'âme soit insufflée, on le considère comme étant mayyit, comme étant mort. Pourquoi? Parce que l'âme n'est jamais venue. On ne dira pas de lui qu'il est vivant. L'âme n'est jamais venue. Il n'a jamais reçu son âme. Hein? Donc on dit qu'il est mort. Comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné, « Wa kuntum amwatan ». Tamam qudaratillahi jalla wa ala. Ici on a la preuve de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est capable de min al-jasad al-mayyit yunfikhu Allah jalla wa ala fihi ar-ruh fayuhyi subhanahu wa ta'ala. D'une carcasse d'un corps vide, Allah jalla wa ala il met l'âme et subhanallah ce corps il vit. Et chacun c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. وكيف الروح كما لستام الله تعالى أعلم كما الله عز وجل mentionné il te demande au sujet de l'âme, dit que cette âme, Allah est le plus savant sur cette âme là elle vient d'Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a créée. Certains من العلماء ils ont dit روحك صورتك, ton âme c'est ton image, c'est ce qu'on voit. Ils ont pris comme dalil lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné dans le hadith: sachez que si vous me voyez en rêve, c'est bien moi, car le diable ne peut pas prendre surati, mon image. Or, dans le rêve, c'est qui qu'on voit? Ce sont les âmes. Donc, ils ont pris comme dalil ici que ton âme, c'est ton image. Ton âme, c'est ton image. Et l'istidlal, le dalil qu'ils ont, c'est ça. طيب. ومن الفوائد إثبات البحث ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. On a la preuve ici de la confirmation de la résurrection. Puisqu'Allah a dit, ثُمَّ يُحْيِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. La dernière vie, puis vous étiez mort, il vous a donné la vie, vous a redonné la mort, il vous redonne la vie pour une dernière fois, et vous retournez à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la preuve de la résurrection. Et ces preuves de la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala, les huit, il y a huit endroits dans le Coran, dans la même sourate, sourate Yasin, Allah Jalla wa Ala, il a prouvé la résurrection. Dans la même sourate, sourate Yasin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, à huit moments du verse, dans les versets, à huit passages de cette sourate, il parle de la résurrection. Il prouve la résurrection. Ad-dalil al-awwal, la première qu'il a trouvée, قال الله جل وعلا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. Anshaha awwala marra. Ça, c'est un dalil clair et net qui prouve que celui qui l'a fait une fois, qui a donné la vie une fois, qui a créé une fois, peut recréer une deuxième fois. Il est plus facile de faire une deuxième fois qu'une première fois. Si tu prends d'une créature à une créature, un homme, il va créer quelque chose. Il va inventer une machine ou ce que tu veux. Hein? La différence entre Allah tabaraka wa ta'ala et la créature, c'est que la créature elle a besoin d'autres créatures pour créer. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien pour créer. Hein? Allah azza wa jalla fait passer de l'inexistence à l'existence. Alors que l'homme, il a besoin de matière pour créer. S'il veut faire une voiture, il lui faut du fer, il lui faut du plastique, il lui faut quelque chose. Il a besoin de la création pour faire quelque chose. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de la création pour faire quelque chose. Kun fayakun, il dit soit la chose elle est, subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ici, si quelqu'un veut faire quelque chose, son premier projet va lui prendre plus de temps que de reproduire la même chose là, la deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait une fois, donc c'est encore plus facile de le faire deux fois. Ça, c'est juste la créature. Alors qu'est-ce qu'il en est du créateur Allah tabaraka wa ta'ala. Ad-dalil athani, wa huwa bi kulli khalqin alim. Allah est savant sur toute création. Ça veut dire qu'il est, s'il est savant sur toute création, il n'y a aucun doute que celui qui est le plus savant sur sa création, il est chose facile pour lui de redonner la vie une deuxième fois et de ressusciter qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il a, il connaît sa création d'une manière parfaite. Il connaît sa création d'une manière parfaite. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il peut remettre, hein, redonner la vie après avoir donné la mort et redonner la vie une deuxième fois. Al-dalil al-thalith, يقول الله جل وعلا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا il a fait d'un bois vert un feu. Il a fait d'un bois vert un feu. ما المعنى؟ Le bois vert, c'est ce qui est connu pour être un bois froid et humide. Avec quoi on fait, on chauffe bien le feu. Avec quoi on fait un feu? C'est avec en général un bois sec. Hein, et non pas avec un bois vert. Le bois vert, si tu regardes bien le bois vert, il est humide, il est froid et humide. Allah Azza wa Jalla l'a mentionné, d'un bois vert, il en fait quoi? Il en fait du feu. Allah Azza wa Jalla, si d'un bois vert, froid et humide, il arrive à en faire du feu, comment il ne pourrait pas ressusciter l'être humain? Ces choses encore plus faciles. Min Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-adilla al-dalil al-rabih, quatrième preuve. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal-ard biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum. Bala. Celui qui a créé les cieux et la terre et qui en est capable, n'est-il pas capable de créer semblable à cela? C'est-à-dire, la création des cieux et de la terre, est-ce qu'elle est plus compliquée que la création d'un homme? Bien sûr que oui, elle est plus compliquée que la création d'un homme. Sauf pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc si Allah a créé les cieux et la terre, comment il ne serait pas capable de redonner la vie à un simple être humain? Hein? À un simple être humain. Et si on remarque bien, à chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de lui dans la création des cieux et la terre, il commence bi samawat. Samawat wal ard. Mais lorsqu'il parle de l'mushrikin, wa shirkahum, ainsi que de leur shirk, des gens qu'ils ont pris, qu'ils ont associés à Allah, il commence par le contraire. Hein? Sont-ils capables de créer la terre? Il ne parle que de la terre. Il n'a même pas parlé des cieux. Ça, c'est pour les rabaisser. Ça veut dire même la terre, ils ne sont pas capables de la créer. Une chose de la terre, ils ne sont même pas capables de la créer. Donc Allah Azza wa Jalla, pour rabaisser ce qui est pris en dehors d'Allah dans l'adoration, quand il parle de la création, il ne parle que de la terre. La terre, une chose de la terre, ils ne sont pas capables de le faire. Il ne parle même pas de Samawat. Des cieux, il n'en parle même pas. Parce que même la terre, déjà, ils ne sont pas capables. Et la création des cieux, elle est plus vaste, hein, et plus grande que la création de la terre. Alors que quand il parle de lui, خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah Jalla wa'ala fait ses propres éloges pour montrer qu'il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Quand il parle de lui, il commence toujours par bissamawat. La chose la plus compliquée, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a créée. Or vous, ce que vous adorez en dehors d'Allah, même une chose de la terre, de la dunya, de l'ard, ne sont pas capables de le créer. Ils ne nomment même pas samawat pour eux. Ça c'est pour rabaisser الشرك بالله جل وعلا, ce qu'ils prennent en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-khamis, wa huwa al-khallaq al-alim. Il est donc le créateur, c'est-à-dire celui qui donne des attributs, qui donne une forme, qui fait passer de l'inexistence à l'existence. Et cela est chose facile pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Dalil al-sadis, toujours fi surat al-yasin, wa innama amruhu idha arada shay'an, an yakoula lahu kun fayakoun. Et ton Seigneur, lorsqu'il veut une chose, il dit soit, et la chose, elle est. Est-ce qu'Allah, jalla wa ala, il a besoin de dire soit pour que la chose soit? Non, c'est pour qu'on puisse comprendre. Allah tabaraka wa ta'ala, juste s'il veut la chose, elle existe. Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Donc si Allah Azza wa Jalla veut que les gens soient ressuscités, hein, il a juste à dire soit et les gens seront ressuscités. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala huwa ad-dalil as-sabih, septième dalil, fi surati Yasin, fa subhana alladhi bi yadihi malakut kulli shay. Allah Azza wa Jalla qui est dénué de toute imperfection et qui détient dans sa main toute chose. Il a la royauté sur toute chose. Donc s'il a la royauté sur toute chose, il a la royauté pour faire revivre qui il veut, subhanahu wa ta'ala, et de faire passer de l'inexistence à l'existence qui il veut. الدليل الثامن ويتم دليل في سورة ياسين قول الله جل وعلا وإليه ترجعون et Allah vous retournerez et Allah vous retournerez. C'est bien dalil que il y aura la résurrection. ومن الفوائد أن الخلق يرجعون إلى الله جل وعلا رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. On a la preuve ici que le retour se refait à Allah subhanahu wa ta'ala à la finale. Tu vis dans cette vie d'ici-bas, puis tu mourras, tu seras ressuscité et tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu reviens à ton créateur. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Dans le verset 29, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il s'est orienté vers le ciel et en fit sept cieux. Quand on dit il s'est orienté vers le ciel, on va expliquer ça, inshallah. Puis il en fit sept cieux, et il est omniscient. Il faut voir si orienté, c'est une bonne traduction. Tayyib. Hu alladhi khalaqa lakum. Il a créé pour vous. Lakum. Il a créé pour vous, c'est-à-dire khalaqalakum. Wa huwa alladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Il a créé pour vous tout ce qu'il y a sur la terre. Ça c'est ad-dalil que l'asl fil ashiya al-ibaha. Que la base dans toute chose, c'est que les choses sont permises. Les choses de la dunya, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tout ce qu'il a créé sur la terre, c'est pour vous. Ça, c'est la base que tout ce qu'il y a dans la dunya, il est permis de manger ou de boire ou de s'habiller. Jusqu'à ce que tu aies un texte qui vient te l'interdire. Et la base et la preuve de ça, c'est ce verset. « Hu alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a » Il a créé pour vous tout ce qu'il y a sur la terre. Donc c'est la base que « Al-asl fil ashiya al-ibaha » La base dans les choses, c'est la permission. Jusqu'à ce que tu aies la preuve du contraire. Tu manges ce que tu veux, sauf le porc. Pourquoi ? Parce que tu as un texte. Tu bois ce que tu veux, sauf l'alcool, parce que tu as un texte. Tu portes comme vêtement ce que tu veux, sauf la soie pour les hommes, parce que tu as un texte qui te l'interdit. Donc, ne pas tomber dans la règle inverse, qui est d'interdire toute chose à tout le monde. Tu ne peux interdire à quelqu'un que si tu as un texte. « Thumma stawa ila sama » ثم استوى إلى والمعنى القسط. Ici, ثم استوى إلى السماء, c'est-à-dire qu'Allah Jalla wa'ala a voulu parfaire sa création. ثم استوى إلى السماء. Ici, ça n'est pas en rapport avec l'istiwa, c'est-à-dire dans le sens qu'Allah Azza wa Jalla, ثم استوى إلى السماء. Ici, ça ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jalla s'est élevé au-dessus du ciel, non. ثم استوى إلى السماء, c'est-à-dire ici qu'Allah Jalla wa'ala a voulu parfaire sa création et la compléter. Hein? La compléter. Donc il a fait les cieux, puis il a fait ثم استوى إلى السماء, c'est-à-dire que quand ils ont mis ici dans la traduction, ils sont orientés vers le ciel, dans le sens où il a voulu finir sa création et parfaire sa création, hein, en créant le ciel et ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, il a voulu parfaire, il a voulu parachever sa création. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Et donc, comme il a voulu parfaire sa création, il en a fait de ce ciel-là, sama, hein, sama. Pourquoi ? Parce qu'on a dit quoi ? ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ. Puis il a voulu parfaire le ciel. Ici, il est mufrad. Il n'est pas au pluriel. Il n'a pas dit ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاوَاتِ. Ça veut dire que le ciel là, il est en un seul bloc. Et Allah Jalla wa'ala va le diviser en sept cieux. Et il en a fait sept cieux. D'un seul ciel, il en a fait combien ? Sept cieux. Donc ici, al-ma'na thumma stawa, ليس المعنى هو استواء. لكن القسط التام, c'est-à-dire il a voulu parfaire sa religion. Va mettre de l'eau sur ta tête. Khadim, va mettre de l'eau sur ta tête. طيب. وهو بكل شيء عليم. Et Allah Azza wa Jalla est capable et savant sur toute chose. من الفوائد, il y a ce bienfait qu'Allah Azza wa Jalla, ce repos du cœur qu'Allah Azza wa Jalla a fait, c'est qu'il on n'a pas besoin de créer nous-mêmes notre subsistance ou de créer nous-mêmes ce avec quoi on veut vivre. Hein? Allah Azza wa Jalla a déjà tout mis sur la terre. Tu as juste à aller chercher ta subsistance et à faire la cause. Hein? Et qu'Allah Jalla wa Ala a créé tout cela pour toi. وَمِنَ الْفَوَائِدِ أَنَّ الْأَصْلِ فِي كُلِّ مَا فِي الْأَرْضِ الْحِلُّ. La preuve, ici on a la preuve que la base dans tout ce qui se trouve sur terre, c'est la chose elle est halal, jusqu'à preuve du contraire. Hein? Tout ce qu'il y a dans la dunya, dans cette vie d'ici-bas, dans cette dunya sur terre que l'on trouve, il est halal jusqu'à preuve de contraire. وَمِنَ الْفَوَاهِدَ هَذَا الدَّلِيلَ عَلَى الْعُمُومِ يَقُلِ اللَّهِ تَعَالَى جَمِيعًا. Et ici, tout le monde est concerné, puisque Allah Azza wa Jalla a dit جَمِيعًا الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. À vous tous. Donc ici, c'est une généralité. ومنها إثبات أفعال الله جل وعلا ويفعل ما يشاء يقول لله عز وجل ثم استوى إلى السماء استوى هو فعل وهو جل وعلا يفعل ما يشاء. On a la preuve que Allah عز وجل fait. Pourquoi? Parce que Allah عز وجل a dit, hein, il a, et puis il a parfait son ثم استوى استوى هو فعل. Le fait qu'Allah عز وجل fait, il a voulu parfaire sa création, c'est-à-dire as-sama, sa création ici, parfaire la création du ciel. Ad-dalil ala anna as-samawat sab'a. Sab'un, c'est-à-dire là on a la preuve qu'on a sept cieux. Yaqul lillahi azza wa jal sab'a samawat. Qu'on a sept cieux. C'est bien la preuve qu'on a sept cieux. La preuve aussi qu'Allah azza wa jal kamal khalqi as-samawat. La perfection de la création des cieux. Et il a parfait cette création. Allah Azza wa Jalla a parfait cette création, la création des sept cieux. La preuve que la science d'Allah elle englobe toutes choses. Allah est savant sur toutes choses. وهذا الدليل على أن نخشى ونخاف من الله جل وعلا. C'est aussi la preuve que l'on doit avoir peur d'Allah et le craindre, puisque s'il est savant sur toute chose, alors on a peur de celui qui est savant sur toute chose, et on le craint et on a peur de lui, d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.